Fais pas ça Qui a fait ça Je suis pressé, ouais. Ouais, moi aussi. Je te jure, je me prends un bon dans la tête, je fais pas quand même. Elle va se faire démonter. Lui, c'est un con aussi, il ferme la grille. Mais il est con, quoi. Il y a la piste.